Donc, je vais commencer par une petite présentation. Donc, je m'appelle Aurélie Bousquet. Donc, je suis doctorante en troisième année à l'UMR ADES. Je suis à Bordeaux. Donc, ces travaux, c'était un peu ce qui était au début, on va dire, la base de ma thèse. Et puis, en début de seconde année, on va dire, le sujet a complètement bifurqué. Donc ça, ce sont comme des résultats qui sont plutôt en rapport avec ma thèse, mais qui sont quand même assez aboutis. Et on va dire, mon défi, ce sera de raccrocher ça, ce que j'ai déjà fait, avec mes nouvelles thématiques qui sont sur la mise en place de la trame verte et bleue, donc la représentation des continuités écologiques, et notamment tout ce qui est démarches participatives. Donc, pour l'instant, ce travail porte sur les changements d'occupation du sol et comment ceux-ci, on peut les représenter, et notamment ce que les bases de données qu'on produit, qui sont produites, ce qu'elles nous permettent de voir. Donc, tout d'abord, je vais commencer par une présentation du contexte dans lequel on s'aperçoit que la diffusion de bases de données est de plus en plus facilitée. Ensuite, donc, je vais présenter une partie du cadre théorique. Et ensuite, une étude de cas qui est sur le littoral du bassin d'Arcachon. Donc, tout d'abord, on s'aperçoit que ces bases de données sont de plus en plus disponibles et leur usage est facilité. Donc là, j'ai commencé par mettre une carte où là, c'est la diffusion des SIG sur le territoire, car la diffusion de l'outil permet aussi, de faciliter l'usage de ces bases de données. Donc là, on voit qu'entre 1994 et 2002, qu'il y a eu un déploiement des SIG sur le territoire, sur l'ensemble des départements. Donc en plus de ce déploiement de l'outil sur le territoire, on s'aperçoit que les SIG concernent de plus en plus de métiers. Donc que ces données vont être mobilisées dans de plus en plus de secteurs, qu'au départ c'était plutôt restreint à tout ce qui était production de données en cartographie, et que petit à petit, ça va passer à thématique environnement-aménagement et aller, on va dire, jusqu'au géomarketing. Donc en parallèle, il y a une politique avec une ouverture des données, avec notamment le mouvement de l'open data, où là, c'est des diffusions de données brutes. Alors c'est plus simplement, parfois on a des portails où on a plusieurs cartes qui sont affichées ou des données qui sont représentées, mais on n'a pas accès, on va dire, à la base de données qui ont servi à construire ces cartes. Donc là, on peut récupérer les fichiers qui ont permis à construire la donnée. Du coup, on peut soi-même refaire des traitements et remobiliser ces données. Et en même temps, il y a de plus en plus de portails qui se créent, donc soit plusieurs organismes, institutions, même des villes, qui créent des portails, comme la ville de Rennes ou la communauté urbaine de Bordeaux, qui aussi, de plus en plus, ouvrent ces portails pour rendre accessibles sur le net ces données. Donc en même temps, les politiques publiques se fondent de plus en plus sur une évaluation de l'environnement. Donc ces évaluations environnementales se fondent souvent par une étude de l'occupation du sol. Donc c'est ce qui apparaît dans les différentes études comme ce qui est à l'origine. On commence souvent un document par présenter l'état de l'occupation du sol. Donc, on s'aperçoit que même si la thématique change, on va dire, ces bases de données de suivi d'occupation du sol, elles restent et leur méthode ne change pas. Si on prend l'exemple de Corrie Landcover, qui est un programme européen de suivi d'occupation du sol, on s'aperçoit que quand il a été mis en place dans les années 80, l'objectif c'était plutôt d'étudier le phénomène de la déprise agricole, qu'ensuite cette thématique a été remplacée par l'étalement urbain. Et maintenant, aujourd'hui, depuis le Grenelle de l'environnement, on demande à ce que les continuités écologiques soient traduites sous forme de trames vertes et bleues à différentes échelles. Et on s'aperçoit dans la méthodologie que souvent la première chose qui est faite, on récupère cette base de données faite à l'échelle européenne pour une landcover pour l'appliquer à l'échelle de la région. Donc la base, elle, n'a pas changé, sa méthode n'a pas forcément changé, mais ce pour qu'on l'utilise, l'objectif, lui, change. On constate aussi qu'il y a, que de la façon dont sont présentées les bases de données, il peut y avoir un parti pris idéologique. Par exemple, sur la thématique de l'étalement urbain, souvent, quand c'est présenté, l'étalement urbain augmente de tant de pourcents, on sous-entend, par exemple, une augmentation des gaz à effet de serre. Pourtant, on veut dire, le débat scientifique n'est pas clos, et par exemple, certains auteurs parlent d'effet barbecue, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vivent en périurbain, apparemment, leur déplacement pour les loisirs serait inférieur à ceux des personnes en ville, et cela compenserait leur déplacement travail-domicile. Donc, il y a aussi, du coup, il y a le risque, quand on voit qu'on utilise, en fonction, on va dire, du débat politique, on oublie ces bases de données, la tentation de faire dire à ces bases de données, on va dire, ce que tout le monde voit, et du coup, il y a des risques d'usage abusif de ces bases de données. Donc, je vais faire une petite présentation du cadre théorique, car il y a de nombreuses études scientifiques, entre autres, qui étudient les changements d'occupation du sol. Mais dans le cadre francophone, on s'aperçoit qu'il y a peu de références sur ce cadre théorique. Et qu'il y a même une confusion sous-fréquente entre occupation et usage du sol. Ce n'est pas clairement défini. Par contre, dans le champ anglophone, il y a carrément un champ qui est dédié à l'étude des changements. Donc c'est la Land Change Science. Donc ce courant a émergé au moment, on va dire, des thématiques des changements globaux, où leur postulat est que ces grands changements affectent toute la surface de la Terre. Donc, leur travail consiste à étudier les interactions entre les systèmes environnementaux et sociaux. Donc, ce courant est quand même confronté à une abondance de méthodes et d'analyses. Donc, ce n'est pas homogène. Et aussi, il est aussi confronté à la difficulté, vu qu'il y a beaucoup de disciplines et de courants qui l'utilisent, et du coup il y a plusieurs façons de percevoir le changement. L'avantage, c'est que les occupations et usages du sol sont clairement différenciés, et donc pour eux, tout ce qui est land cover, donc l'occupation du sol, concerne tout ce qui est biophysique, et tout ce qui est usage concerne le social. Donc, donc, si on veut définir et différencier, donc l'occupation du sol serait la couverture physique ou biophysique que l'on observerait directement à la surface de la Terre. Donc, cette notion qui se veut, objectif, on va dire, par les défenseurs, est quand même sujette à subjectivité, car elle dépend, mais notamment, de la nomenclature qui a été mise en place. Au moment où, si un photo-interprète doit classer un espace, il est quand même contraint de respecter la légende, la nomenclature. Ensuite, aussi, cette occupation du sol est déterminée par l'échelle à laquelle on doit réaliser, par exemple, la cartographie. Car, par exemple, les zones résidentielles, si on est à très grande échelle, et bien, qu'est-ce qu'on va voir ? Les rues, les maisons, les jardins. Alors que, au contraire, si on est à une petite échelle, et B, ce sera l'ensemble, on va dire, homogène, et surtout la structure qui va modifier. Donc cette fois-ci, l'usage du sol, lui, est caractérisé par les aménagements et les activités et les choix des usagers sur certaines occupations du sol. Donc ce serait plutôt les activités humaines là qui priment. On va dire, on ne peut pas associer un usage à un type d'occupation du sol, et inversement. Donc on s'aperçoit que les nomenclatures, face à la complexité des phénomènes à cartographier, entretiennent cette confusion. Quand on regarde les légendes, il y a des postes qui un coup qualifient l'occupation du sol et un autre coup l'usage. Donc, par exemple, une couverture en herbe peut très bien être classée comme un pâturage, un parc urbain ou un jardin. Donc, je vais reprendre l'exemple de Corinne Vancouver. Donc cette base réalisée à l'échelle européenne et qui est très largement utilisée, on trouve donc clairement quand on va leur site, disent qu'ils veulent cartographier l'occupation du sol et avoir les couvertures biophysiques. Donc il y a quand même tout de même des postes qui concernent les espaces verts urbains et les équipements sportifs et de loisirs, donc ça concerne clairement des usages. Et aussi, nous avons rajouté, il y a aussi des postes mixtes où c'est pas forcément une occupation du sol, où on sent plutôt, on va dire, le désarroi du photo-interprète à classer certains espaces, avec notamment des postes comme culture annuelle associée à des cultures permanentes ou systèmes culturaux et parcellaires complexes, où là on voit bien que c'est le photo-interprète qui est mis en difficulté, notamment. Donc, cette base de données qui est disponible pour 90, 2000, une base en 2000 qui a été révisée et 2006, propose aussi des cartes de changement. Pour cartographier ces changements, à savoir dans cette base de données, l'objet le plus petit doit faire 25 hectares. Les changements entre 90 et 2000 ont été à réaliser à partir, on va dire, de la soustraction. Ils ont pris la carte de 2000, ils ont fait une soustraction en 90 et ils ont retenu uniquement les changements qui faisaient 5 hectares. Au minimum 5 hectares. Si ces changements devaient faire en sorte qu'un polygone à l'arrivée au départ soit inférieur à 25 hectares, ces changements n'étaient pas pris en compte. Parce qu'il y a toujours cette contrainte des 25 hectares. Si on prend le schéma en haut, donc c'est ce que j'expliquais, par exemple, en haut à gauche, on a une surface de 25 hectares, il y a un phénomène qui s'étend, un changement de 5 hectares, à la fin on a une surface de 30 hectares, ça respecte la règle, on conserve ce changement de 5 hectares. Dans un deuxième cas, en 90, on a une surface de 24 hectares. Donc elle n'a pas pu être cartographiée, elle n'a pas été repérée. Par contre, il y a des changements quand même assez importants sur la zone et on s'aperçoit qu'il y a des changements qui concernent légèrement décalés 24 hectares. Donc au total, sur l'espace, il n'y a que 20 hectares. Donc c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus important d'un point de vue spatial que dans le cas précédent. Mais cela ne respecte pas, on va dire, les règles de numérisation, donc ces changements ne sont pas pris en compte. Pour la cartographie de 2006, il y a eu un grand changement dans le protocole. Donc, plutôt que de réaliser une autre photo-interprétation de toutes les images satellites en 2006, ils ont décidé de prendre la version de 2000, de la corriger, donc c'est ce qu'ils appellent le 2000 révisé, et là, de cartographier uniquement les changements. Et du coup, 2006 est le résultat d'une addition entre cette cartographie de 2000 révisée et des changements. Donc là, ils n'ont pris que les changements, pareil, de 5 hectares. Donc, du coup, il y a eu un grand changement dans le protocole. Et le pas de temps qui aurait pu être intéressant à l'échelle européenne, justement, c'est de comparer 90 à... 2006 est interdit du fait de ce changement de protocole. Donc, pour des travaux, nous avons décidé d'étudier les changements d'occupation du sol sur le littoral aquitain, au niveau du bassin d'Arcachon. Mais le parti pris a été de mobiliser justement des bases de données existantes, on va dire des bases de données vectorielles, pour voir aussi ce que nous permettent et ce que nous disent nos bases de données. Donc le terrain d'étude concerne, on va dire, toute cette zone en VI qui s'étale au niveau du pays du bassin d'Arcachon, Val de l'Air. Et donc là, vous avez représenté les emprises des bases de données. Donc Corinne Landcover, vu qu'elle est disponible à l'échelle européenne, elle couvre l'ensemble de la zone d'étude. Ensuite, on a mobilisé une base de données, donc l'inventaire permanent du littoral, qui a été fait pour 77. Et c'est uniquement la partie la plus foncée, là, sur la gauche. Et cette base de données a été mise à jour et actualisée en 2000. Alors, elle a changé de nom pour des causes de personnes qui ont organisé. Et là, l'emprise s'étend. Donc là, j'ai abordé la notion de la précision spatiale et thématique, car ces deux notions s'ajoutent à, on va dire, la précision temporelle. Donc, on a confronté. Donc, la précision spatiale, elle dépend de l'échelle et de la résolution spatiale à laquelle on crée les données. Je veux dire, au moment où on numérise, si on utilise une photo aérienne ou alors une image satellite et une résolution spatiale, tout, on n'obtiendra pas le même résultat. Et elle dépend aussi, on va dire, du seuil de numérisation de l'objet. Donc, par exemple, Corinne Landcover, je vous l'ai dit, le photo-interprète est contraint à des objets au minimum de 25 hectares. Pour l'autre jeu de données sur le littoral, là, ils se sont dit, on numérise tous les objets du moment qui font 25 mètres, soit de longueur ou de large. C'était la contrainte. Donc du coup, sur la zone d'étude, donc pour illustrer, si on prend la base Corinne Landcover, il y a 470 polygones avec une moyenne de 370 hectares. Donc on est quand même loin des 25 hectares du minimum. Et de l'autre côté, donc la base de données sur le littoral, elle comprend 12 000 polygones pour une moyenne de 11 hectares. Donc cette précision spatiale, donc j'ai illustré là en confrontant une zone artificialisée, donc en couleur, en rouge dessous, vous avez la zone littomoise sur le littoral. Et par-dessus, en hachuré, j'ai mis une zone artificialisée de Corinne Landcover. Donc ça permet d'illustrer les effets de généralisation et également pourquoi ensuite dans les résultats, il y a des différences entre les valeurs, entre les différentes occupations du sol. La précision thématique, elle, quant à elle, dépend, on va dire, du nombre de postes de légende et de la nomenclature qui est associée à la précision des postes. Donc dans ce cas-ci, il n'y a pas eu de problème, car au moment de la réactualisation de la base de données de 1977, donc le centre d'études techniques et de l'équipement qui a réalisé cette carte a mis en rapport les différentes nomenclatures. Donc on a la même nomenclature entre Corinne Landcover et cette base-là. Par contre, de manière générale, il y a une tentation de croire que plus on aura une précision spatiale élevée, plus la nomenclature va être précise. Il y a des exemples de bases de données qui, enfin, j'ai pas parlé ici, mais qu'on a étudié, où on a une échelle au 10 millième, donc on a des objets très précis, et on a une nomenclature à côté qui fait 10 postes, qui sont mal définis, et du coup les objets sont classés de manière... des fois un peu bizarre. Et au contraire, il y aurait plus on se rapproche des objets, plus on va dire on est confronté à leur matière, et du coup, on va dire la complexité des agencements et leur, disparaît, et donc on peut avoir plus de difficultés justement à interpréter et à placer ces, ces objets. Donc là, vous avez. Donc j'ai fait apparaître les différentes bases de données. Alors, en tout ce qui est en, les petits carrés, c'est ce qui compose la base de données sur le littoral. Et les triangles sont corrélant de cover aux différents dates. Donc 90, 2000, 2000 révisés et 2006. Donc en haut, donc, les postes de nomenclature, on les a réduits à. À 9 postes pour que ce soit plus lisible, parce que enfin, quand il y a une vingtaine de postes, ouais. Donc, ce qu'on constate essentiellement sur cette zone, c'est que c'est surtout la forêt qui domine, donc qui concerne entre 55 et 75% du territoire, et que celui-ci est suivi par tout ce qui est landes et garrigues. Et donc, le rapport. Entre forêt et landes, on s'aperçoit dans l'ordre où sont placés les, par exemple, ici au niveau de la forêt, est inversé au niveau des landes et des garrigues. Donc juste cette représentation, on va dire statique, permet déjà de voir qu'il y aurait un rapport entre la lande et la forêt. Ensuite, donc en bas, c'est un donc on a projeté en plus grand, ce qui n'était pas visible. Donc les autres occupations du sol, elles, concernent moins de 8% du territoire. Et donc notamment l'habitat, on va dire sur cette zone littorale ou au niveau, enfin dans la presse, discours politique, où ce serait vraiment le, on va dire, la catastrophe sur ce secteur, on s'aperçoit que ça varie. Et, que Corinne Lancover aurait ici plutôt tendance à surestimer l'habitat et au contraire à sous-estimer les zones industrielles. Bon, mais ça, c'est aussi lié aux effets de généralisation qu'elles sont en mauvais. Donc ça, c'est une première représentation, on va dire, classique des changements qu'on peut trouver, où c'est un système de trajectoire où on prend le poste à l'arrivée à la fin. Donc je ne vais pas détailler plus, commenter, parce qu'on peut aussi le représenter de manière un peu plus complexe, mais qui permet de voir plus de choses. Donc, ce schéma se lit dans le sens horaire. Donc, si on prend par exemple le premier poste habitat, on lit dans le sens horaire et on voit où ces postes, où l'occupation du sol, où les changements vont. Ensuite, l'épaisseur des traits représente le nombre d'hectares qui sont affectés par le changement. Donc, tout à fait à droite, vous avez le schéma entre 1977 et 2000, donc avec un pas de temps de 23 ans. Donc, on s'aperçoit qu'il y a énormément de petits traits, et notamment quand on voit qu'il y a des départs de l'urbain vers l'eau ou la forêt, donc ça c'est plutôt tout ce qui est, on va dire, du bruit, c'est, on va dire, au niveau de la numérisation, s'il y a des légers décalages, donc c'est tout ce qui était du bruit. Donc nous avons sorti, exclu tous les changements inférieurs à 0,1 hectare, mais ça n'a pas suffi, il y a encore du bruit. Donc, ce qui ressort principalement, c'est qu'il y a quand même des départs de la forêt vers l'habitat et les zones industrielles. Mais ce qui ressort, c'est notamment les changements entre la forêt et vers les landes. Ensuite, au centre, vous avez les changements entre 90 et 2000. Et alors là, bon, on s'aperçoit qu'il y a toujours de la forêt qui part vers l'habitat, mais là, ce qui est intéressant, on voit qu'il y a toujours de la forêt qui part vers les landes, mais que la majorité des changements partent vers la forêt. Et donc, on constate la même chose entre 2000 et 2006. Donc, pour ce secteur, à savoir, donc c'est une forêt de pins maritimes, et donc c'est vraiment monospécifique. Et ça s'effectue, on va dire, par des grandes coupes, c'est des grandes coupes à blanc. Et du coup, ces bases de données qu'on mobilise en s'attendant à avoir des changements de type, on va dire, structuraux, voire des changements qui affectent vraiment l'espace, on s'aperçoit que ce sont plutôt des changements conjoncturels, où on voit c'est plutôt la gestion, le mode de gestion de la forêt qui apparaît. Car quand on coupe les pins sur de grandes étendues, on dit on replante des pins mais qui sont trop petits pour être vus, qui sont recouverts par des fougères, des mauvaises herbes. Donc au moment où le photo-interprète regarde cet espace, il aura apparaît en l'ombre. Voilà, en faisant le lien entre... parce que là, les pas de temps varient de 23 ans, 10 ans et 6 ans. Qu'en fonction du type du phénomène qu'on étudie, et des, on va dire, la base de données nous donne de moins en moins de choses à voir. Donc ensuite, pour représenter de manière, on va dire, plus dynamique sur l'espace, pour traduire les dynamiques spatiales, donc des auteurs ont développé une cartographie donc, de ces dynamiques. Donc eux, ils ont repris toute la nomenclature de Corée Land Cover, et ils ont fait ça pour étudier les paysages au niveau européen. Donc j'ai repris la méthode, où en fait il s'agit de... Donc on part ici d'une occupation du sol du départ, ici on a une occupation du sol à l'arrivée, et donc, si on prend de l'agriculture qui part vers l'habitat, on regarde où elle se croise, et ici, donc, les auteurs ont différencié plusieurs types de dynamiques, donc aménagement urbain, étalement urbain, l'étalement des zones économiques, donc plusieurs types de dynamiques spatiales. Mais on voit aussi que, notamment, le poste, changement d'occupation du sol dû à des causes naturelles sont un peu des choses... inexpliqués, ils n'ont pas su trop classer. Par exemple, on imagine que les changements de l'eau vers l'habitat ou de la forêt vers l'eau, c'est quand même des phénomènes, on va dire, pas courants ou plutôt dû, on va dire, sûrement à la façon de représenter. Donc en appliquant ceci donc, pour chaque phénomène, on fait le croisement, on applique une couleur, et donc, je les ai représentés spatialement, donc toujours à partir des bases de données, même découpage. Donc, à gauche, nous avons la base de données sur le littoral, donc avec un pas de temps de 23 ans et une précision spatiale très importante. Petite anecdote, ici, ce grand changement, voilà, on peut dire un peu bizarre, c'est ici, en ligne, nous avons un lac. Donc lui n'a pas changé en 23 ans, il est toujours à sa place. Et ici, il y a une base militaire qui n'a jamais été, je veux dire c'était en blanc parce qu'on ne cartographie pas l'intérieur, mais en 2000, ils l'ont classé comme étant de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a ce grand changement, et en fait c'est juste une erreur de photo-interprétation. Donc c'est le problème de... Donc quand on regarde... les changements en 23 ans à partir de bases de données sur le littoral, donc on s'aperçoit que c'est essentiellement, on va dire, l'étalement urbain le long du tour du bassin d'Arcachon. Et donc, bon, là on va pas se mettre sur l'écran, mais on voit qu'il y a un creux ici, donc ça c'était ce qui était déjà urbanisé le long. Et on va dire les aménagements urbains, bon, on va dire comblent les dents creuses. En reprenant ici Corée Land Cover, donc de 90 à 2000, sont les changements, on va dire, forestiers qui apparaissent, et essentiellement, mais que tout ce qui est dynamique, on va dire, sur l'urbain, apparaissent beaucoup moins bien. Et on va dire, en 2000 et 2006, on constate la même chose. C'est la forêt qui ressort, mais la quantité de changement, on va dire, les changements apparaissent moins. Donc ces bases de données qui sont mobilisées, on va dire, pour mesurer notamment, on va dire, l'étalement urbain, ces thématiques, on va dire, qui seraient des enjeux, notamment sur un espace littoral, on s'aperçoit que la façon dont sont construites des bases de données ne nous permettent pas de voir les phénomènes, et ce que les politiques demandent. Donc, pour conclure, donc, on s'attendait à avoir des changements sur l'espace assez forts, et ce qu'on s'aperçoit, c'est essentiellement des changements conjoncturels. Donc, dans la région, on dit à un élu, bon, mais la forêt vient de la lande, et la lande vient de la forêt, avec ce type de gestion, on s'en doutait quand même. Donc, on va dire qu'il y a pas un échec, mais il veut dire que nos bases de données ne sont pas appropriées pour ces demandes du politique. Que certains changements identifiés sont plus des artefacts dus, mais soit au changement de méthode, car les programmes de suivi d'occupation du sol, on s'aperçoit qu'ils changent de méthodologie au cours du temps. Donc, on risque plus de cartographier des changements de méthode que de vraiment de changements qui sont sur le territoire. Et notamment, par exemple, que la richesse et la gratuité de Corinne Cover poussent, on va dire, de plus en plus d'utilisateurs à la mobiliser pour n'importe quelle thématique. Et du coup, on a des utilisations débridées de cette base de données aux différentes échelles, et notamment dans l'identification des continuités écologiques. Donc, à l'échelle de la région, pour la mise en place des schémas de cohérence régionaux écologiques, ça va, mais on s'aperçoit qu'elle est aussi mobilisée pour des SCOT, ou même des PLU, donc les plans locaux d'urbanisme, c'est fait à l'échelle d'une commune. Tu veux une base de données faite à l'échelle européenne, on va dire, ça pose question. Donc, je vais finir en faisant une proposition qu'il faudrait, une théorisation de l'articulation entre les différentes résolutions vues au cours de la présentation. Résolution spatiale, la résolution thématique et la résolution temporelle. Et donc, dans ce graphique, vous avez ici la résolution spatiale, la résolution temporelle et la thématique. Et c'est de voir qu'en fonction de la thématique que l'on souhaite étudier, aborder, de choisir les données qui nous paraissent, qui seront les plus utiles, les plus pertinentes pour voir le phénomène. Et pas prendre, tout ce qu'il y a de disponible. Si l'on souhaite étudier, par exemple, les changements sur la forêt, si on a une base de données avec une répétitivité annuelle, on verra rien. Je veux dire, pour qu'un arbre pousse, je pense qu'il faut plusieurs décennies. Donc, ce sera plutôt sur sur la résolution temporelle qu'il faudra jouer. Si au contraire, à l'opposé, on décide d'étudier les changements, culture permanente, prairie, ce sera bien d'utiliser une base de données avec une forte répétitivité. Par exemple, il y a eu des travaux réalisés en Bretagne par Clémence Vanier, où pour ça, elle a utilisé des images satellites avec une résolution de 250 mètres, mais qui avait une répétitivité dans le temps très importante. Donc c'est pas forcément, dans le discours actuel, il y a un peu une course à la résolution spatiale, voir des objets de plus en plus petits, mais c'est pas toujours utile. Donc l'importance, on va dire, d'articuler le temps, l'espace et le temps. Bon, merci. Je sais pas. Ouais. Moi, je veux bien réagir, mais alors en B aussi, en absolu, parce que c'est vraiment un domaine où dont je suis absolument pas spécialiste, ni sur le sujet, ni sur évidemment l'instrument, le type d'instrument dont traite votre communication. Cela dit, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. J'aurais été intéressée davantage, évidemment, par ce que vous dites dans la conclusion, qui évidemment amène à des réflexions sur le rapport, la manière dont finalement le rapport entre les instruments qui sont utilisés, enfin ceux dont vous parlez, et l'action publique, vous ouvrez des pistes en fait qui amèneraient à réfléchir sur l'adaptation des instruments et de ce qu'on peut leur faire produire comme information aux attentes de l'action publique et non l'inverse. Parce que ce que vous. Peut-être que je caricature un peu votre propos, mais quand vous dites au fond. La disponibilité de bases de données extrêmement riches incite à un usage débridé, et quand vous dites vous parlez d'utilisation abusive, moi j'entends, ça me rappelle certaines réflexions sur la force de l'instrument dans l'action publique, c'est-à-dire que au fond vous dites rien, et je pense que c'est pas votre objet, hein, mais moi je serais intéressée en fait par j'aimerais en savoir plus sur finalement quel est l'effet des instruments dont vous parlez sur l'action publique qu'ils contribuent à produire. Implicitement, j'ai l'impression que quand même vos réflexions amènent à des conclusions de cet ordre-là. Si on les tire un petit peu dans une direction qui n'est sans doute pas la vôtre, mais au fond, on se dit que c'est un peu. C'est un peu préoccupant. Et en même temps, je me disais, il y a désormais, quand vous montrez sur un de vos schémas qu'on utilise de plus en plus ce type de base de données dans des secteurs très divers, ça me rappelle qu'il y a de plus en plus d'observatoires dans des champs très divers de l'action publique. Et au fond, on se dit que quand même ces observatoires qui sont à l'interface de la décision publique devraient amener des usages raisonnés en fonction des attentes de l'action publique et des objectifs, ce que vous semblez appeler de vos voeux dans votre conclusion. Je ne sais pas si vous avez vu ou pris en compte dans vos travaux finalement l'effet de ce type d'organismes qui sont pas certes des organismes de recherche, donc qui sont pas à l'origine de la production des bases de données, j'imagine, mais qui sont quand même qui innovent, je pense, dans les usages qu'on peut faire de ce type de données, et qui surtout cherchent, me semble-t-il, à adapter l'usage des données aux attentes de l'action publique de façon à les rendre pertinentes et à éviter, comme vous dites, ces usages abusifs. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai observé un tout petit peu à propos de sujets sur lesquels j'ai eu à travailler. Il me semble que, voilà, on a, dans des lieux comme ça, des tentatives d'ajustement intelligent, je dirais, de l'action et de l'instrument. Mais quand même, ce que vous présentez là tente à montrer une fois de plus qu'il y a une force de l'instrument. Instrument produit certainement par des acteurs et qui sont le résultat de processus de décision qui serait certainement intéressant d'étudier, mais qui ont, une fois qu'ils existent, leur logique propre. Ça, c'est assez impressionnant. Je sais pas. Quand vous parlez du photo-interprète, là. De quoi s'agit-il ? De qui s'agit-il ? À quel moment ça se produit, cette photo-interprétation ? C'est pour la réalisation des bases de données. Oui. Et donc le photo-interprète souhaite travailler à partir d'images satellites ou de photos. Mm-hmm. Et c'est lui qui, on va dire, est chargé, on va dire, de dessiner, on va dire, les images et d'affecter une occupation du sol. Donc il est contraint, mais la nomenclature qui est. Qu'il doit respecter, qu'il doit appliquer, et aussi la définition des objets. Si on dit les objets ne doivent pas faire moins de 25 hectares, si un ensemble de petits objets qui sont complètement amalgamés, il n'en est pas parlé, mais par exemple, la forêt qui couvre vraiment presque l'ensemble de la zone d'étude, je veux dire, elle, on va dire, n'est pas, concrètement, elle n'est pas photo-interprétée. quand il y a une occupation du sol qui domine, ce qui va plutôt se faire, c'est aller à l'intérieur, on va dire détourer les objets. Mmh. Et du coup, on va dire, le reste, on va dire, de fait, ce sera de la forêt. Et ça, on s'aperçoit parce que quand un polygone qui fait, mais plus chiffre en tête, mais des milliers d'hectares, mmh. c'est juste en fait, on fait une agrégation de ce qui restait. Donc, pareil dans d'autres régions, si, quand c'est la vigne qui domine, c'est pas la vigne qui va être cartographiée, mmh. c'est les objets qui sont dedans. Donc, on peut dire en même temps que la forêt, dans ce cas, n'est pas représentée. Mmh. Ensuite, pour prendre ce que vous disiez, au niveau du rôle des observatoires, qui est. Je suis pas spécialiste de la question et j'ai pas forcément étudié ce point, mais. Derrière l'observatoire, il y a beaucoup de, on va dire, de réalités, ce n'est pas une seule chose. Pour mes travaux sur les continuités écologiques, je me base sur le Poitou-Charentes et ils ont un observatoire, je suis allée les interroger, où eux, on va dire leur mission, c'était de mettre en relation. Ils présentent toutes les données, elles ne sont pas en diffusion libre sur leur site, mais elles sont toutes cartographiées avec les références et les contacts pour joindre, entrer en contact avec les personnes qui s'en occupent. Et donc leur rôle, clairement affiché, c'est de faciliter la diffusion des données. Quand je leur ai demandé s'ils avaient. On va dire, si c'est faire par un contrôle, déjà voir les données, quelle validité elles avaient ou pas. Donc on m'a répondu que ce n'était pas leur rôle. Clairement leur rôle, eux, c'était de faciliter la diffusion. Mmh. Et ensuite, on va dire, étudier la force de l'instrument sur les acteurs ou les politiques publiques. Donc, par exemple, de manière très concrète, de demander à chaque région, alors, normalement, c'était d'ici de fin 2012, mais vu qu'ils sont en délai, ça va être 2013, mais de réaliser une cartographie des continuités écologiques à l'échelle de la région. Donc, ça a été demandé au niveau du Grenelle en 2017. Au niveau méthodologique, d'un point de vue scientifique, il n'y avait pas de méthode. Les écologues ne sont pas forcément d'accord. En plus, on demande qu'il y ait de la participation. Donc, du coup, comment. Articuler les principes liés à l'écologie et la participation, mais il fallait que ce soit fait en 5 ans. Donc les bases données, on a repris ce qui existait, donc Orient Cover est très largement réutilisé. Et là, ce qu'on assiste vraiment ici, c'est vu qu'on va dire, c'est dit comme pas assez précis, donc c'est les termes qui sont utilisés, on va dire ils enrichissent, alors c'est-à-dire qu'ils récupèrent plein de données, beaucoup de données sur l'occupation du sol qui viennent rajouter à cette base de données d'occupation du sol. Donc on a un empilement comme ça de données et il y a peu de réflexions qui sont faites, on va dire, par cet enrichissement. Mm-hmm. C'est les termes utilisés et donc ce soit. Puis il y a aussi les bureaux d'études qui sont chargés de ça. On s'aperçoit souvent, même quand ils font des réunions, c'est. Ah oui, mais bon, dans le logiciel, ça passe pas, mais on fait quoi? Cette base de données, on a voulu la faire tourner toujours l'ordinateur à planter. Donc on va dire cet aspect technique apparaît vraiment comme une boîte noire. Oui, ouais. Tout à fait. Pour ma part, j'ai beaucoup apprécié votre communication parce que ça rejoint des questions que je me pose parce que je travaille aussi beaucoup sur les questions d'espace périurbain et donc d'étalement urbain, dans lequel effectivement la référence à Corinne Land Rover et Land Cover est quasi permanente, en tout cas pour légitimer un certain nombre de politiques qui viseraient à réduire l'étalement urbain. Moi, je crois que ce qui est intéressant dans votre communication, c'est cette contradiction en fait très forte entre la multiplication finalement des bases de données spatialisées, des SIG qu'on retrouve à peu près partout, multiples, qui sont accessibles maintenant par le net, on peut accéder à cette base chacun à partir de chez soi, et puis finalement cette méconnaissance totale qu'on a de ces outils, de ces catégories, de ces modes de construction, qui donne lieu à des usages absolument non contrôlés de cette base et effectivement une instrumentalisation politique évidente. Je veux dire, moi, à chaque fois que j'ai dans le périurbain et que, qu'on entend parler des acteurs, ils nous ressortent la même phrase, c'est-à-dire un département qui s'urbanise tous les 10 ans. Voilà, donc on sait qu'en France, c'est ça, et on sait que ça, ça vient de, effectivement de cette base-là et d'une analyse extrêmement grossière de cette base qui renvoie à trois choses que vous avez bien identifiées. C'est que effectivement il y a un problème de résolution, c'est que c'est... Et ça, qui varie selon les bases, mais qui pour cette base-là est très grossière, puisqu'il s'agit d'un pixel de 25 hectares. Je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, 25 hectares, c'est un tiers des deux Lyons, donc c'est pas très précis comme base. J'étais très intéressé de comprendre un petit peu, même si je n'ai pas tout compris, les modalités de changement des 5 hectares supérieurs qui conduisent à la modification du pixel. On pourra peut-être en rediscuter, mais en aparté. Et la question, effectivement, de la catégorisation, parce que souvent, quand on utilise cette base, on mélange, effectivement, du résidentiel, des voies de communication, de l'industriel, etc., ce qui absolument n'est pas la même chose, et qui, par exemple, quand on prend 25 hectares de tissu pavillonnaire, effectivement, on classe ça comme de l'urbanisation, mais c'est... Si c'est du pavillon, il y a effectivement une part irréductible de trame verte à l'intérieur. Donc ça pose vraiment la question de la représentation elle-même et de sa pertinence. Et puis effectivement, l'autre question que ça pose, c'est la question du temps et du pas de temps, du pas de temps pertinent pour mesurer les transformations paysagères. Donc ça c'est intéressant. Et du coup effectivement, le jeu entre les différents outils disponibles pour mieux représenter les phénomènes et essayer d'adapter à certaines problématiques peut être intéressant. Après, effectivement, il y a deux voies, c'est-à-dire qu'il y a la voie je rentre dans cette cuisine interne pour aller vers des problématiques de compréhension des dynamiques paysagères, notamment par exemple dans un espace périurbain balnéaire que constitue le bassin d'Arcachon. L'autre chose, c'est effectivement de voir comment ça interroge les politiques publiques ou permet de nuancer les présupposés ou de contredire ou de discuter les présupposés qui sont au cœur des systèmes de légitimation d'action publique, quoi. Toutes les politiques qui visent peu ou prou, notamment à travers les SCOT, à limiter l'étalement urbain. Donc effectivement, il y a des possibilités sur la force de l'instrument et l'usage de l'instrument qui est effectivement assez, assez intéressante. L'autre volet étant effectivement la réflexion fine sur la manière dont ces outils peuvent mieux nous permettre de comprendre les transformations morphologiques de l'espace, qui est une thématique qui est très intéressante, alors peut-être pas pour les gens qui sont ici ou en partie, mais qui est, à mon avis, en géographie, aujourd'hui, une thématique qui est un peu sous-explorée et qui est une approche très empirique, très inductive, mais qui du coup, pour avoir l'intérêt, doit permettre après de monter en généralité sur qu'est-ce que ces outils nous donnent à comprendre des transformations effectivement de notre coup même, quoi. Enfin, c'est effectivement et donc ça implique après de passer de la forme aux acteurs qui sont impliqués dans ces transformations paysagères. Voilà. Mais c'était bien intéressant. Et juste pour reprendre ce que vous avez dit, je dis pas que Corinne Handcover c'est nul comme base de données. Il faut penser qu'elle est faite à l'échelle européenne. Ouais. Et que c'est sûr, si on utilise à l'échelle, pour étudier le périurbain d'une ville, ce sera vraiment pas la base de données la plus. Et pourtant, c'est souvent le cas. Dans la pratique, on voit bien, elle est reprise. Donc, on parlait, on va dire, de la force des outils, mais aussi on peut parler, on va dire, de la force de la carte. Donc, toujours l'exemple des continuités écologiques qui seront, on va dire, cartographiées à l'échelle des régions. Ce document, normalement, doit être pris en compte par les documents d'urbanisme aux échelons inférieurs. Donc, cette notion de prise en compte est floue. Mais concrètement, on va dire, le risque, c'est que quand cette carte va être publiée, donc il y a beau y avoir, on va dire, un texte de... un document de 200 pages à coller à ça, la première chose que vont faire les personnes, c'est voir la carte, voir où est leur commune, et alors là, il y aura une continuité écologique qui va passer peut-être sur l'ensemble de la commune, et là, ça va être le drame. Alors que non, je veux dire, ça, c'est fait à l'échelle de la région, peut-être que de manière très concrète, elle passera à 200 mètres de là, de ce qui a été cartographié. Donc c'est vraiment ce changement d'échelle et, qui a effectué. Alors que, mais on s'aperçoit, même dans les réunions, on va dire, au niveau de la région, les acteurs ont du mal à concevoir cette échelle régionale. Et c'est toujours ramené au local. Et voilà, notamment, en Poitou-Charentes, il y a la thématique du bocage, où tous les, on va dire, les acteurs veulent limite voir l'arbre à l'échelle de la région. Donc, je caricature un peu, mais c'est presque ça. Sur quoi tu vas continuer à travailler, mais du coup en Aquitaine il y a une nouvelle base de données qui je crois est en train d'être produite par le GIP Littoral Aquitain et le GIP Atégérie. Donc en fait ça a été testé sur littoral, donc j'imagine que ça reprend aussi Arcachon. Et en fait dans le cahier des charges il y avait une distinction entre les, au niveau de la résolution qui était exigée sur les espaces urbanisés, sur les espaces agricole, sur la taille des objets qui étaient demandés. Donc il y avait une distinction entre la taille des objets, et puis il y avait aussi un retour après la production de cette base de données, une confrontation, elle était mise à disposition des communes qui pouvaient faire remonter des remarques sur l'affectation de certaines parcelles par rapport à ce que eux connaissent de la réalité, donc pour essayer de gommer les imprécisions qui sont liées à l'interprétation photo. Donc je sais pas si ça peut t'intéresser, mais ça peut renvoyer aussi à, et donc en fait cette base donnée est mise à disposition des élus, des communes, donc peut-être pour essayer de pallier les difficultés qui sont liées à l'utilisation systématique de communes de couleurs par exemple. Et ça peut peut-être t'intéresser. Donc au moment de ces travaux, je sais pas si cette base était finalisée ou pas. Mais j'avais aussi pris en compte des bases de données ponctuelles, donc on a peut-être moins l'habitude d'en parler, de bases de données faites par points sur l'occupation du sol, et également une base de données qui avait été réalisée sur l'ensemble de la Gironde. Donc c'est cette base de données qui a été faite au 10 000e, et en réalité, donc, d'un point de vue spatial, elle est très très très précise, mais la nomenclature qui est accolé à cette base est vraiment catastrophique. Par exemple, pôle urbain, ils ont décidé de tout ce qui était, à l'échelle de la Gironde, mais tout ce qui est à l'intérieur des boulevards dans Bordeaux, pof, c'est dans tel truc. Les postes ne sont pas. Il n'y a pas de définition des postes, de ce qui est à l'intérieur des postes, et notamment tout ce qui est dunes. Zone humide, il y a plusieurs postes qui auraient pu intéresser vraiment sur le littoral, dans ce cas-là. Et en allant zoomer sur certains endroits, on s'aperçoit que des objets qui ont la même configuration sont dans deux postes différents. Et inversement, donc c'est en fait pas si facile que ça, faire une base de données d'occupation du sol de manière très précise. Derrière, la nomenclature, il faut qu'elle suive. Oui, j'ai juste une question très très large par rapport aux bases de données d'occupation du sol. Est-ce que c'est toujours fait à partir de photorepérage, d'une part? Si on prend par exemple Corinne Landcover, eux c'est à partir d'images satellites. Donc les images satellites c'est fait avec des pixels, et à l'intérieur les pixels ont une certaine résolution, donc la taille du pixel ne change pas. Mais à l'intérieur, soit ça représente 50 cm ou 250 mètres. Donc, on va dire, les images satellites n'ont pas d'échelle, mais elles ont une résolution. Ça peut être fait aussi à partir de photos aériennes. Également, il y a la base de données Teruti, elle, c'est une base de données ponctuelle. Et là, en fait, c'est fait par enquête. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont se déplacer, elles ont un point. Et elle se déplace sur ce point et elle regarde ce qu'il y a sur ce point. D'accord. Voilà. Et il y a aussi alors l'IFN, donc c'est l'Institut National des Forêts, qui est, bon, est connu, a une base de données connue avec des données vectorielles, mais en fait ils ont aussi, pour réaliser cette base, ils ont aussi une base de données ponctuelle. Et donc eux, ils ne se déplacent pas sur le terrain, mais ils prennent des photos aériennes et ils calent leurs points sur la photo aérienne et regardent ce qu'il y a sous le point. Donc il y a plusieurs sources, c'est pas forcément réalisé à partir de photos ou à partir de images satellites, ça peut être aussi fait par des déplacements sur le terrain. Et j'avais une deuxième question par rapport au fait que tu disais au début de la présentation qu'il y avait une mise à disposition beaucoup plus large de ces données, etc., avec l'open data. Et en fait, je me demandais, est-ce qu'il y a des cartographies qui commencent à apparaître, qui pourraient être des cartographies collaboratives, participatives? Donc, sur l'occupation du sol, pas forcément, mais ça, au niveau des bases de données, enfin, dans mon laboratoire aussi, on s'y intéresse. Quelle est la légitimité, on va dire, des bases de données, alors pas forcément l'occupation du sol, mais autre chose, produites, on va dire, sur soit du déclaratif ou par la mise en donc, par exemple, Corinne Landcover, souvent, on va dire, il est enrichi avec le registre parcellaire et graphique. Donc, c'est en fait les agriculteurs qui déclarent ce qu'ils ont sur leurs îlots pour la PAC. Donc, ici, donc cette base de données n'est pas, on va dire, homogène, puisque ça dépend si les personnes, les agriculteurs déclarent ou pas à la PAC. Et ensuite, c'est pas fait par parcelle, c'est fait par îlot. Donc, c'est des pourcentages dans l'îlot de telle ou telle culture. Mais il y a de plus en plus de travaux qui étudient, on va dire, mais justement, on va dire les relations entre la cartographie et le web 2.0, où justement les gens, on va dire, mettent de plus en plus d'informations en ligne. Et donc que ce soit aussi bien pour des inventaires sur les papillons, on va dire des choses quand même assez précises, que sur des choses on est plus. On va dire plus anecdotique et ludique quand il y a des applications, enfin, je veux dire, telles que Foursquare ou ces choses-là où des gens disent juste les lieux où ils sont. Après aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que les bases de données, enfin pensées, on va dire, par les techniciens ou les scientifiques, on avait plutôt tendance à concevoir l'espace sous forme de couches, de superposition de couches, comme un sujet où on empile des couches, et qu'avec ces données, on va dire, mise sur le net et produite, là c'est plutôt le point qui va ressortir. Donc ce serait plutôt du ponctuel. Et nous, ce qu'on voit, c'est plutôt des points. Bon, on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup. Et on va tout de suite attaquer avec la dernière intervention de la matinée.